enfants, c'est ta dame, et j'en peux plus. Alice au pays des pervers, c'est tout de suite. Elle est à la recherche du gospo, comme y'en a dans Cosmo, pour vivre en osmose dans son petit cosmos. Mais avec plein de boys blancs en maillot, ce n'est pas une princesse, c'est un maillot brosse blanc. Elle lui fait du rentre dedans, car pas non plus exigeante. Elle dit j'ai une situation évidente, mais dites donc qu'elle couche même avec le lapin blanc. Évitons de les déranger alors qu'ils sont en plein dedans. Aujourd'hui elle a 20 ans et grave la trouille, car à Euro Disney depuis Ratatouille, y'a fallu les ratiser et là l'embrouille s'est éternisée. Son image avec la foule détériorisée. Alors la fille devient une femme qui rame dans la vie. Elle crie sème ses larmes pour charmer n'importe qui, même n'importe quoi. Ça a marché pour Gizmo, pourquoi pas pour toi. Alice trop tricard, constamment pété au ricard, caché derrière ses gros nippas. Mais où est donc Ornica? J'espère la croiser tard ce soir dans un bordel bon marché, mais j'ai tort d'y croire. Autant qu'au pays des merveilles ou un chandulier qui part. Car ce n'était pas la petite souris qui déposait 10 balles sous mon traversin. Tu souffres à si mal, mais y'a pas de médecin dans l'acte de la petite sirène. Donc sa peine s'alterne toute la semaine. Alice devient hautaine, tu lui payes l'hôtel. Elle rêve de devenir un modèle, a besoin qu'on l'adule. Et le dilemme est de penser adulte. Elle trouve ça nul, s'endormant avec la lune. Au moment où le soleil s'allume, ses espoirs en même temps. Coup de fil de son agent, elle fait partie des participants de l'île de la tentation. Et qu'on vient gagner plein d'argent, y faire sensation. Cosmo pour vivre en osmose dans son petit cosmos. Mais avec plein de boys blancs en maillot, ce n'est pas une princesse car maillot rose blanc. Elle est à la recherche du gospo comme y'en a dans Cosmo pour vivre en osmose dans son petit cosmos. Mais avec plein de boys blancs en maillot, ce n'est pas une princesse car maillot rose blanc. Ta dame dit pas population, car les morts ne portent jamais plainte.